Ouais, j'écris mes regrets et ça talonne mes remords. J'ai des poteaux qui sont morts. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Baby, baby, no ma more. Ma confiance a ses limites, frère. Qu'un aveugle pourrait voir. Calibré sur un chemin de fer. Les jaloux veulent m'avoir. Obligé de rouler ta bosse, Ray. Car sans pilon, tu vis pas. Après ce qu'on compte te faire, frère. T'auras plus besoin de carte vitale. Dis toujours fuck l'amour. Le cœur n'est pas conquis. Les balles perdues ont leur raison. Mais tout va déjà compris. Bitches, bêtises, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même en fauteuil roulant, mon sauce t'esquive pas les assises. La guerre des tranchées, 100 ans après la guerre des sangers. Rien n'a changé, pour un bout de terre on va se trancher. Faut que je parle à l'imam, je suis un peu parano. Oh. Je refuse de faire Eden, de peur qu'on parle dans mon dos. Oh. Ouais, j'écris mes regrets, et ça talonne mes remords. J'ai des poteaux qui sont morts. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Ouais, j'écris mes regrets, et ça talonne mes remords. J'ai des poteaux qui sont morts. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Parce qu'elle était bonne, t'as cru que c'était la bonne Edouard. Parce que le son est bon, t'as cru que c'était l'album Renoir. I have a dream, ça laisse mes somnambules en hess. Une seule fois pour tous les kamikazes qui ont plastiqué leurs rêves. FAB va bien, les rages sont énervés. Une cité rivale se mitraille, car les médiateurs ont merdé. D'après les grands du rap, moi je maîtrise mon art. Dans le 9-3, c'est soit t'as des couilles, soit tu déménages. Je veux que du concret, je sais que c'est qu'on me craigne. Des punchlines, j'en ai trop fait. Un deck, on te montre les trophées. Pour les papes, tout qui me soutiennent, Screech, Mascafi, Fou et Krillin. Vive DBZ, fuck Guerlain. Boy. Ouais, j'écris mes regrets et ça talonne mes remords. J'ai des poteaux qui sont morts. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Ouais, j'écris mes regrets et ça talonne mes remords. J'ai des poteaux qui sont morts. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more.